Chapitre 18e. Fantaisie de malade. Il était 11 heures quand Gaston se réveilla le lendemain. À peine était-il levé qu'on frappa légèrement à sa porte, c'était Jenny. L'ex-fleuriste lui demanda de prendre une voiture et de se laisser conduire. Le poète n'hésita pas. Jenny n'était-elle pas la protégée de son Adrienne? La jeune fille donna des ordres au cocher. La voiture prit la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de la Paix, le boulevard des Capucines, puis le boulevard Malesherbes. Arrivée à quelques pas du parc Monceau, elle s'arrêta vis-à-vis un petit hôtel isolé dont persiennes et auvent se trouvaient fermées. « Ici, » dit Jenny. Gaston sauta bas du fiacre et suivit sa conductrice. Une grille superbe s'ouvrit et le jeune homme se trouva dans un jardin rempli de grands arbres. L'hôtel était habité. Un valet de pied lui fit prendre un escalier en marbre blanc recouvert d'un tapis à haute laine, retenu par des tringles de cuivre. Arrivé au premier étage, on le fit entrer dans un boudoir tel qu'en a pu avoir la princesse Borghèse. Dans un coin du boudoir, un jet d'eau parfumée arrosait des plantes odorantes. C'était un rêve enchanté réalisé par un coup de baguette de fée. Derrière une tapisserie en velours grenat, rehaussée de crépines d'or, une femme parut. Gaston tomba dans un autre ravissement. Il voyait Adrienne. « Tu ne m'en voudras pas, mon ami, de me présenter de si bonne heure chez toi ?» lui dit-elle en se laissant tomber dans ses bras. « Oui, mon Gaston, tu es chez toi et tu revois ta fiancée. Plus tard, quand je n'aurai plus de crêpes sur moi, tu me recevras aussi, mais alors comme ta femme. » Gaston ne répondit pas. Il l'embrassa, les larmes aux yeux. Il adorait. La veuve du duc avait acheté et fait meubler cet hôtel pour y abriter son bonheur. Cet hôtel... Elle l'avait mis au nom de son amant à qui elle le donnait avant de se donner à lui, elle, la suprême possession. Elle n'aurait pas voulu que celui qui devait lui donner son nom remît les pieds dans l'hôtel Bussiardin. Son désir ne s'accomplit pas. Après un moment accordé à une extase mutuelle, elle reprit « Mon Gaston, la vie littéraire te tuerait. Tu n'as pas ce qu'il faut pour lutter. Tu possèdes une de ces âmes créées pour la poésie et l'amour. C'est le calme qu'il te faut, et ce calme, tu le trouveras avec moi. Quand je serai mieux, nous irons en Italie. Tu verras quel beau ciel, et comme il est bien fait pour inspirer le poète. Le soir, nous fuirons comme deux amoureux, nous dérober des baisers à la promenade. Alors nous serons mariés, mais on nous prendra pour des amants. Mari et femme ne sauraient s'aimer de la sorte, diront-ils. Oh, Gaston, comme nous serons heureux. Mais je tiens à ce que notre union se consomme ici. On nous unira la nuit, et après ce fortuné moment, tu m'emmèneras ici chez toi, comme le jeune homme qui enlève des bras de sa mère sa jeune épousée. Tu seras jaloux de moi, n'est-ce pas? Tu me raviras aux yeux de la foule curieuse, et alors je serai à toi, à celui pour qui j'étais créé. D'ici là, comme tu es bon, et comme tu ne voudrais pas flétrir la fleur que tu dis avoir si bon parfum, je viendrai chaque jour passer quelques heures avec toi. Dis, « regrettes-tu que j'étais toujours ta sœur? Vois comme Dieu est bon, il nous récompense. Tu m'as peut-être quelquefois accusé de froideur. Oh, chère âme, que tu m'as mal jugée! Si tu avais pu voir la profondeur de mon amour. Te souviens-tu des quelques jours malheureux où la méchanceté t'a séparé de moi? Eh bien, ces jours-là, j'ai demandé à Dieu dans mes prières de te rendre à moi. J'ai même ajouté, je serai sa maîtresse. Comprends-tu comme je t'aimais? Demandez cela au ciel. » Gaston respectait trop celle à qui il devait donner son nom pour en abuser. Il l'adorait et attendait leur promise. Toutefois, l'été se passait, et malgré les conseils du vieux docteur qui voulait l'envoyer en Italie, la jeune mourante demeurait à Paris. Elle attendait que son deuil fût à moitié, pour troquer la robe de deuil contre la robe blanche. Chaque jour, elle venait voir son Gaston dans son hôtel. Cependant, la maladie faisait de rapides progrès. Mais, tout entier à son amour, Gaston ne pouvait croire à un danger imminent. Adrienne sentait parfois ses belles joues blanches se colorer d'une teinte rosée, symptôme d'une fin prochaine. Ses yeux devenaient plus brillants, elle faiblissait. « Qu'elle parte, » dit un jour le médecin, « non pour lui conserver la vie, mais pour la prolonger. » À cette nouvelle, Gaston fut atterré. Ses yeux se dessillèrent, il entrevit l'affreuse vérité. La pauvre jeune femme commençait à devenir l'ombre d'elle-même. L'enveloppe était toujours belle, elle avait même ce charme de plus que donne la faiblesse, mais la vie s'envolait à tire d'aile. On était au premier jour d'automne. Le soleil avait encore de belles lueurs vers le midi. Entre 1 heure et 2, une voiture bien fermée s'arrêta devant la grille du cimetière Montmartre. Les convois qui se suivaient dans le dernier asile avaient retardé la marche de la voiture. Une femme pâle, vêtue de noir et accompagnée d'un jeune homme, entra. La jeune femme était Adrienne. Souvent, elle s'appuyait sur le bras de son amant. Elle avait eu un désir de malade, elle voulait voir le cimetière. Fantaisie fréquente chez ceux qui sentent la vie s'en aller. Le soleil était encore chaud. Les promeneurs cherchaient les allées ombreuses. Adrienne dit à Gaston « Dieu, qu'il fait froid !» Ils allèrent en plein soleil. Arrivée dans l'allée Saint-Charles, la malade remarqua une petite place vide couverte de gazon et autour de laquelle se trouvaient plantés quelques sapins. Un rayon de soleil donnait sur l'herbe et réchauffait les insectes d'automne suspendus aux extrémités des brindilles d'herbe. « Tiens, » dit-elle à celui qu'elle aimait, « lorsqu'on me mettra là-dedans, je veux que ma tombe soit comme cette place exposée au soleil. C'est si bon la chaleur. » Tout en parlant ainsi, Adrienne n'était pas triste, mais elle s'aperçut que Gaston avait singulièrement pâli. « Pauvre cœur, comme je suis méchante. Te dire cela quand nous avons de si longs jours à passer ensemble. Quelle étrange idée j'eus de venir ici. Sortons, on donne ce soir la favorite, nous irons. » Le soir, ils étaient à l'opéra.